Veuillez écouter en nouvelle diffusion le professeur Taran d'Arthur Adamoff avec Pierre Détaille dans le rôle du professeur et le concours de Pierre Leproux, Maria Tamar, Hubert Bution, Jacqueline Rivière, Jean Péméja, Arlette Balkis, Jean-Pierre Leroux, Daniel Netter, Georges Carmier, Robert Chandot. Récitant José Arthur. Réalisation Henri Soubéran. Premier tableau, le bureau de police. Assis derrière une table, couverte de papier, l'inspecteur en chef, un homme âgé, de forte carrure. Debout, devant la table, le professeur Taran, très raide. Assis à califourchon sur une chaise, le menton appuyé au dossier, un jeune homme, l'employé subalterne. La vieille employée compulse des papiers. Enfin, vous connaissez mon nom. Je suis célèbre. Je jouis de l'estime publique. Vous devriez le savoir comme les autres. Je dirais même, étant donné votre profession, mieux que les autres. Vous vous rendez bien compte que cette accusation est absurde. Pourquoi aurais-je fait cela? La manière dont j'ai toujours vécu suffit à prouver que je ne peux pas me laisser aller à un geste pareil. Et puis un peu de bon sens, monsieur, je vous en prie. Quel homme irait se mettre nu par ce froid? Je n'ai pas envie de tomber malade, de m'aliter pour des semaines. Comme tous les grands travailleurs, je suis avare de mon temps. Alors réfléchissez donc, peut-on se fier à des témoignages d'enfants? Ils disent tout ce qui leur passe par la tête pour se rendre intéressant. Pour qu'on s'occupe d'eux, ils feraient n'importe quoi. Il faut connaître les enfants. Et moi, je les connais. Non que j'ai des enfants pour élèves. Je suis professeur de faculté. Mais ma sœur a une petite fille. Une petite fille qui veut à tout prix être prise au sérieux. Il faut qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute. Je l'aime beaucoup du reste. Je peux dire que j'aime tous les enfants. Mais de là à croire ce qu'ils disent. Je me promenais tranquillement au bord de l'eau et puis tout à coup je les ai vus. Ils étaient là tout près, ils m'encerclaient. Et il en sortait d'autres de partout en même temps. Tous venaient sur moi. Alors je me suis mis à courir. Je ne sais pas pourquoi j'ai couru. Sans doute parce que je ne m'attendais pas à les voir là. Évidemment, j'ai couru. Ils ont pu vous dire que j'ai couru, mais c'est tout. Enfin, regardez-moi, monsieur. Ai-je l'air d'un homme qui s'est rhabillé en hâte? Et quand aurais-je eu le temps de me rhabiller? Je regrette, mais j'ai sous les yeux un rapport qui ne concorde pas du tout avec vos dires. Ils couraient et ils criaient tous ensemble. Comme s'ils s'étaient donné le mot. Et que criaient-ils? Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir! Mais voir quoi? J'ai rien fait de mal. Et je peux le prouver. Nous ne demandons qu'à nous laisser convaincre. Je suis le professeur Taran, un homme éminent. J'ai fait de nombreuses conférences à l'étranger. Dernièrement encore, on m'a invité en Belgique. Et j'y ai remporté un succès sans précédent. Tous les jeunes gens s'arrachaient mes cours. On se battait pour avoir une feuille écrite de ma main. Je ne doute pas de vos succès, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui importe. Nous devons éclaircir votre affaire pour compléter le rapport. Le rapport? Quel rapport? Mais si vous rédigez un rapport, vous risquez de me causer un grave préjudice, de compromettre ma carrière. Vous n'êtes pas le premier à qui de telles choses arrivent. Vous en serez quitte pour une amende. Voilà tout. Si vous pouvez la payer, cet incident n'aura pour vous aucune conséquence. Évidemment, je peux vous payer. J'ai de l'argent. Je vais vous signer un chèque, rien de plus facile. Tout de suite, si vous voulez. Non, pas tout de suite. Je vous demande seulement de signer une déclaration où vous reconnaîtrez avoir été surpris nu par des enfants à la tombée de la nuit. Vous pouvez ajouter que vous ne vous saviez pas observer. Je sais trop bien qu'on m'observe, qu'on me fouille du regard, que tout le monde a les yeux fixés sur moi. Pourquoi me regarde-t-on ainsi? Moi, je ne regarde personne. Le plus souvent, je baisse les yeux. Parfois même, je les ferme presque. J'avais les yeux presque fermés quand ils sont venus, tous. Combien étaient-ils? Je ne les ai pas comptés, je n'en ai pas eu le temps. Pourquoi me demandez-vous ça? Je vous ai dit qui j'étais. Ça devrait vous suffire. Je ne puis croire que vous n'ayez jamais entendu parler de moi. Je le regrette. C'est en effet très regrettable. Il vaut mieux savoir à qui on a affaire. Mais encore une fois, comment pouvez-vous vous fier à des racontars d'enfants? Qu'est-ce qui prouve que la fillette qui est venue ici pour tout vous raconter ait réellement assisté à la scène? D'autres enfants ont dû la lui raconter à leur façon et elle l'a encore modifiée, transformée, sans même s'en rendre compte peut-être. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Du reste, c'est simple, vous n'avez qu'à convoquer les gens qui me connaissent. Je peux vous donner leur nom et leur titre. Ils témoigneront de ma moralité, de mon renom. Faites-les venir ici, tous. Faites venir n'importe qui, et vous verrez. Entre la journaliste, une femme entre deux âges, ni laide ni jolie, aux cheveux coupés à la garçonne. Vous n'avez pas vu un monsieur très grand, très fort? Il tient toujours ses lunettes à la main, il m'a donné rendez-vous ici. Personne n'est venu, madame, excepté monsieur le professeur. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, madame. Si je me souviens bien, vous avez fait paraître récemment une thèse tout à fait remarquable. Vous devez faire erreur, je suis journaliste. Qu'il fait chaud ici, vous ne pouvez pas aérer un peu? Volontiers. Permettez que je me présente. Décidément, les hommes manquent d'imagination. Quand ils veulent aborder une femme, ils l'ont toujours rencontrée quelque part. Entre le premier et le second monsieur. Je vous avais bien dit, cher ami, de vous méfier de lui. Comme je suis heureux de vous rencontrer, vous allez pouvoir me rendre un service. Je ne vous connais pas, monsieur. Moi non plus, monsieur. Comment? Mais je vous ai vu si souvent à mes cours. Nous ne suivons aucun cours. Nous avons passé l'âge des études. Cher ami, il faut le forcer à modifier son programme. Mais messieurs, vous ne pouvez pas ne pas me reconnaître, c'est impossible. Je suis le professeur Taran. Taran? En tout cas, cher ami, ma collaboration vous est acquise. Je vous en prie, messieurs, faites un effort, un tout petit effort, et peut-être dans moins d'une minute, vous allez vous écrier. Mais c'est Taran! Enfin, vous voyez bien que nous sommes occupés. Il est temps, cher ami, de prendre des mesures. Voilà. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, c'est incompréhensible. Parce qu'enfin, sans même parler de mes titres, de mes travaux, j'ai un visage que l'on n'oublie plus quand on l'a vu une fois. Certainement. Il est vrai que j'ai fait, entre-temps, un long voyage à l'étranger. Je sais. Un voyage qui vous a valu un très grand succès. Un succès extraordinaire. Aussi dois-je prochainement repartir là-bas. À l'étranger, on examine beaucoup plus sérieusement les problèmes qui m'intéressent. On leur accorde une importance qu'ils n'ont pas toujours ici, il faut bien l'avouer. Oh, et moi qui ne vous reconnaissais pas, messieurs. Vraiment, je m'en excuse. Comment on se retrouve? J'ai souvent remarqué... Je crois que nous avons intérêt à faire vite. Il s'agit de cette affaire dont vous m'avez parlé l'autre jour. On ne peut rien vous cacher. Entre la femme du monde, vêtue de sombre, avec un chapeau à voilette, accompagnée par le troisième et le quatrième monsieur. Deux hommes de haute taille, aux tempes grisonnantes. Par exemple, le monde est petit. C'est une journaliste infatigable. On la rencontre partout, jusque dans les couloirs des universités. J'ai lu votre dernier article. Félicitations. Oh, à propos d'université, j'ai assisté la semaine dernière à un cours qui m'a tout particulièrement intéressée. Oh, mais je ne rêve pas, c'est... Oh, professeur, je n'osais espérer un tel hasard. J'étais justement en train de parler de vous. Je suis heureux, madame. Permettez-moi, professeur, de vous présenter à mes amis, professeur Ménard. L'inspecteur en chef a mis son manteau et sort. Voyons, ce n'est pas le professeur Ménard. Il lui ressemble un peu, mais le professeur Ménard est beaucoup plus grand, plus fort. Il tient ses lunettes à la main comme lui, mais à part ça... Je suis le professeur Taran. Vous devez certainement connaître mes travaux. Oh, Taran? Mais je ne vous connais pas, monsieur. Moi non plus. L'employé subalterne s'est levé, a mis sa chaise près de la table et sort. Personne ne semble le voir sortir. Vous m'étonnez beaucoup, d'autant plus que je connais et estime tout particulièrement le professeur Ménard et que, de son côté, il a pour moi la plus grande considération. La vieille employée a mis son manteau et sort. Je dois m'en aller maintenant. Au revoir, messieurs. Cette imposture va maintenant cesser très vite. On y mettra bon ordre. Oh, on s'en va. Nous n'allons pas rester ici indéfiniment. Comme des coupables. La femme du monde et les troisième et quatrième messieurs sortent à leur tour. Le professeur Taran fait un pas vers eux, mais très vite s'arrête et s'appuie chancelant à une chaise. Puis, il s'aperçoit brusquement de l'absence de l'inspecteur en chef et des employés et se précipite vers la porte. Excusez-moi, mais je voudrais vous demander si vous avez vu l'inspecteur ou les employés. C'est très fâcheux, je devais signer ma déclaration et je ne l'ai pas fait. Pourtant, ils n'ont pas pu sortir. L'un de nous les aurait vus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Deuxième tableau. Le bureau de l'hôtel. Le professeur Taran marche de long en large. Toujours personne. Que c'est fatigant. La gérante est allée se promener comme d'habitude. Dans ces conditions, elle ferait mieux de donner son congé, ce serait plus honnête. On pourrait tout de même savoir si j'ai du courrier. Entre deux policiers, aspect quelconque. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il n'y a personne au bureau. Nous cherchons un dénommé Taran. Vous voulez dire le professeur Taran? Sur nos papiers, la profession est laissée en blanc. C'est une fâcheuse lacune. Car alors qui me prouve que c'est moi que vous cherchez? Je suis le professeur Taran. J'ai une chaire à l'université. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai fait de mal à personne. C'est ma conscience pour moi. Vous avez commis une infraction à nos règlements. Expliquez-vous. Nous ne demandons pas mieux, mais vous nous coupez la parole. L'infraction que vous avez commise est très banale. Vous en serez quitte pour une contravention. Encore faut-il que je sache de quoi il s'agit. Du calme. Qui donc n'a jamais eu de contravention? Ah, c'est ça. Vous n'êtes pas au courant. Mais je viens précisément des bureaux de la police. J'ai signé les papiers qu'il fallait. Des témoins se sont portés garants de mes bonnes mœurs. Mon affaire est arrangée. Du reste, vous pouvez vous en rendre compte puisque je suis là en liberté devant vous et que je vous explique. Vos services sont très mal organisés, il faut bien le dire. Car enfin, ce que je vous apprends là, vous devriez le savoir. C'est tout ce qu'il faut en conclure. Vous vous trompez. Nous ne dépendons pas des bureaux du district. C'est au sujet d'un autre délit que nous sommes chargés de vous interroger. Encore une fois, expliquez-vous. Vous êtes accusé d'avoir laissé traîner des papiers dans les cabines de bain. Vous vous croyez tout permis. Vous saurez désormais qu'il faut respecter la propreté des cabines. Vous tombez mal. Je n'ai justement pas pris de cabine, ni hier, ni l'autre jour. Et ce sont les seules fois où je me sois baigné ces temps-ci. Évidemment, j'ai l'habitude de prendre une cabine. Je déteste me déshabiller sur la plage où tout le monde peut me voir. Et toutes les précautions dont il faut s'entourer, si l'on ne veut pas être en butte aux regards indiscrets, toutes ces précautions me fatiguent. Et surtout me font perdre un temps que j'aime mieux employer à autre chose de plus utile. C'est toute une histoire que de baisser son pantalon après avoir noué très vite sa chemise autour de la ceinture. Elle peut tomber, il faut faire attention. Vous me direz qu'on peut toujours se retirer derrière les cabines. Mais là, le sable ne se renouvelle jamais. Il est d'une telle saleté. On hésite à aller jusque-là. Ça va. Nous vous demandons seulement de faire la déclaration suivante. Je jure n'avoir pas occupé de cabine de bain à partir du temps et d'apposer votre signature. C'est pas difficile. Vous pouvez, si c'est exact, et si vous le désirez, ajouter après « à partir du temps ». Cela parce que je n'avais pas d'argent. C'est vrai, je n'avais pas d'argent sur moi. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier son argent à la maison. Certes, il peut paraître bizarre qu'un tel fait se renouvelle à quelques jours d'intervalle, mais si l'on y réfléchit bien, c'est une vue très superficielle. Les choses viennent toujours par série. C'est curieux, mais le fait est là. Oui, la dernière fois que je suis allé à la plage, j'ai de nouveau oublié mon argent. Vous me direz que j'aurais pu le chercher et revenir sur mes pas. Mais ça, messieurs, ça je ne le peux pas et je ne l'ai jamais pu. Parcourir une route avec l'idée qu'on aura encore à la parcourir, à en revoir tous les détails, je ne m'en sens pas la force. Et puis, d'une manière générale, je n'aime pas marcher. Je ne peux pas travailler en marchant. Reconnaissez-vous ceci? Mais c'est mon cahier. Comment l'avez-vous eu? Répondez-moi, je vous somme de me répondre. Je l'ai constamment sur moi, il ne me quitte jamais. J'y note toutes les idées qui me viennent au cours de la journée, idées que je développe ensuite. Non, vous n'y trouverez pas le texte complet d'un seul de mes cours. Tout le cahier n'y suffirait pas. Mes cours sont longs, très longs. Un ami m'a assuré un jour que dans aucune université on en fait d'aussi longs. J'ai droit à plusieurs heures d'affilée. Parfois même, j'occupe la chaire jusqu'à la nuit. Tandis que je parle, on allume les lampes et par les portes ouvertes ne cessent d'entrer de nouveaux auditeurs. Naturellement, je n'aime pas beaucoup cela à cause du bruit. Des chaises font des places. Mais beaucoup de gens ont dans la journée des occupations auxquelles ils ne peuvent se soustraire, quelque envie qu'ils en aient. Il faut se mettre à leur place. D'autant plus que mon enseignement ne souffre pas de cet état de choses. Mes cours sont subdivisés de telle sorte qu'on peut très bien en suivre une partie sans avoir nécessairement entendu la précédente. Ce n'est pas que je me répète. Oh non. Non, mais au début de chaque partie, je résume ce que j'ai dit précédemment. Et ce résumé, messieurs, loin d'être inutile, éclaire d'un jour nouveau la question que je traite. Il y a dans votre cahier plusieurs pages d'une écriture qui n'est pas la vôtre. Ici, par exemple. Mais non, voyons, c'est moi. Enfin, je me reconnais bien, une écriture comme la mienne, si particulière. Alors, relisez-nous ce que vous avez écrit. En effet, j'ai du mal à déchiffrer. Oui, mais ça ne prouve rien. Quand on écrit très vite en marchant, par exemple, et je travaille souvent en marchant, il arrive qu'on ne puisse pas se relire. L'auteur d'un texte doit pouvoir compléter ce qu'il a de la peine à relire dans son propre texte. On dirait que j'ai voulu prendre une autre écriture. Mais pourquoi? Dans quel intérêt? Je ne sais pas. Pour changer un peu. Je vous en prie, rendez-le-moi. Un peu de patience. Encore une question. Pourquoi les premières et les dernières pages du cahier sont-elles les seules écrites? Les pages du milieu, elles... Les pages du milieu? Non, c'est pas possible. Il y a longtemps que j'ai achevé de remplir ce cahier. C'est un très vieux cahier que j'ai pris pour le relire, pour y chercher quelques renseignements dont j'avais besoin. Je me souviens. J'ai écrit partout, même dans les marges. Vous avez dû le remarquer. Tout est couvert par moi. Par moi, vous entendez? Lisez vous-même. Vous n'avez pas encore utilisé toutes les pages, voilà tout. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a un trou. Un trou au milieu. Nous vous le disions bien. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Parfois, je prends mes cahiers par un bout et parfois par l'autre. Vous comprenez? Mais oh, je prévois vos objections. Vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce toujours écrit dans le même sens? Si vous commenciez aux deux extrémités, on ne pourrait pas le lire d'une seule traite. Bien sûr, seulement je fais attention. Les deux policiers sortent. Taran, qui n'a pas remarqué leur départ, poursuit son discours. Évidemment, j'aurais pu prendre garde à ne pas sauter de page. Ce ne serait pas arrivé. Mais je suis distrait, messieurs. Beaucoup de savants, de chercheurs le sont. Ils le sont même presque tous, c'est connu. Il y a des anecdotes à ce sujet. S'apercevant soudain qu'il est seul, il se précipite vers la porte. Il l'ouvre. Attendez! Je n'ai pas signé ma déclaration! Vous n'avez même pas donné de porte-plume, mais je n'en avais pas sur moi. En haut, je l'ai laissé en haut. Mais je ne pouvais pas aller le chercher. Je ne sais pas pourquoi ma clé n'est pas au tableau et la gérante est sortie, comme toujours. Vous m'entendez? Messieurs! Je ne comprends pas pourquoi ils sont partis ainsi, sans rien dire, sans même me tendre la main. Ils viennent, ils s'en vont. Ils trouvent tout naturel de déranger un homme qui travaille, qui a besoin d'un peu de paix pour mettre de l'ordre dans son travail. Entre la gérante, portant sous le bras un immense rouleau de papier. Y a-t-il du courrier pour moi? Non, monsieur le professeur. Seulement ceci, qu'on m'a demandé de remettre sans retard à monsieur le professeur. Merci. La gérante sort. Le professeur Taran pose le cahier sur la table, s'agenouille et déroule le rouleau au milieu de la scène. C'est une carte gigantesque qui représente un plan dessiné à l'encre de Chine. Il doit y avoir erreur. C'est certainement pas à moi que cela s'adressait. Pourtant, le professeur Taran, c'est bien moi, il n'y a pas de doute. Madame! Vous m'avez appelé, monsieur le professeur. Qui vous a apporté cette carte? Je l'ai trouvée sur le bureau en rentrant. On y avait joint un papier sur lequel il était écrit « À remettre sans délai à monsieur le professeur Taran ». Je ne sais rien de plus. Le professeur Taran s'agenouille devant la carte et l'étudie. Entre Jeanne, une jeune femme brune aux traits réguliers. Elle ne manifeste aucun étonnement et contourne la carte pour ne pas marcher dessus. Il fait bon ici. Jeanne, il m'arrive des choses extraordinaires. Extraordinaire? En es-tu sûr? À t'entendre, tout est toujours extraordinaire. Quel frère j'ai là! Écoute-moi bien, on vient de m'apporter cette carte. C'est le plan de la salle à manger d'un navire à bord duquel j'aurais retenu une place. Seulement voilà, je n'ai pas retenu de place à bord d'un navire. À en juger d'après ce plan, c'est une belle et grande salle à manger. Oui. Et grande. J'ai souvent admiré dans les agences les photographies du président Welling. C'est certainement le paquebot le plus rapide et le mieux aménagé de tous. C'est possible. Il reste que je n'ai pas retenu de place à bord de ce navire, ni d'aucun autre. Et que par conséquent... Mais de quoi te plains-tu? On a eu des égards pour toi. Tu vois? La croix, là, c'est ta place. Tu es à la table d'honneur et au centre par surcroît. Tout cela n'explique pas pourquoi j'aurais retenu une place à bord d'un navire. Et pour aller où? On ne va pas en Belgique par voie de mer, que je sache. Pour t'avoir placé aussi bien, ils doivent savoir qui tu es. Bien sûr. Ce n'est pas par hasard qu'ils m'ont mis à la table d'honneur, à côté des plus hautes personnalités. Mais je n'ai pas l'intention de partir si loin. Je n'ai aucune raison de le faire. Je n'ai rien à chercher, ni à craindre. Tu as dû prendre ton billet un jour que tu étais fatigué à la suite d'un trop grand travail. Et puis, tu as été moins fatigué et tu as oublié que tu l'avais pris. Peut-être. Oui. Il arrive qu'on fasse des choses qu'on oublie par la suite. Souvent, je cherche mes peignes et je les ai dans les cheveux. C'est drôle. On est un peu vexé sur le moment et puis... On rit. J'ai une lettre pour toi. De Belgique? Je ne sais pas. Il y a une statue sur le timbre et une inscription. Tu as la lettre? Au-dessous de la statue, c'est écrit « Territoire de l'indépendance ». Il n'y a jamais de telles inscriptions sur aucun timbre. Donne-la-moi. Tu vois? À côté, il y a un autre timbre avec un lion. Oui, le lion royal de Belgique. J'ai dû payer une surtaxe. J'ai vidé tout mon porte-monnaie. C'est bien ce que je pensais. Enfin, la lettre du recteur. Donne-la-moi. Pourquoi ne veux-tu pas me la donner? Je voudrais te la lire. Donne-la-moi. Comme tu veux. Non. Lis-la toi-même. Monsieur, vous témoignez dans votre dernière lettre d'une impatience qui, je l'avoue, m'a étonnée. On était sûr. J'ai été maladroit. Je l'ai vexé. Je croyais pourtant, en attirant votre attention sur l'état de santé de ma femme, vous avoir suffisamment expliqué la raison du retard que j'ai apporté à vos réponses. Évidemment, j'aurais dû lui demander des nouvelles de sa femme. Mais il pourrait se mettre à ma place. Je lui parlais dans ma lettre de questions qui me tiennent tout particulièrement au cœur. On ne passe pas si facilement d'un sujet à un autre. Eh bien oui, j'ai oublié sa femme. Dans ces conditions... Il m'est, de toute manière, impossible de prendre les dispositions que nécessiterait votre second séjour parmi nous. Il se croit donc irremplaçable? Pour prendre ces dispositions, d'autres sont tout aussi qualifiés que lui. D'autres seraient très heureux de me rendre service, de faire des démarches pour moi. Je dois aussi vous dire qu'à votre dernier voyage, j'ai appris avec surprise que vous aviez négligé de faire connaître à la direction les heures précises de vos cours, portant ainsi préjudice à vos collègues qui ont dû, au dernier moment, modifier leurs horaires. Mais ils ne demandaient pas mieux! J'ai également appris que vos causeries s'étaient prolongées au-delà des limites permises. Si j'ai prolongé mes cours, c'est que l'abondance des matières m'y obligeait, que je ne pouvais pas faire autrement. On me dit enfin que l'attention de vos auditeurs se relâchait sensiblement, que certains allaient jusqu'à parler à voix haute, et que d'autres quittaient l'amphithéâtre avant que vous n'eussiez fini. Qui s'est permis de lui rapporter de tels mensonges? Et comment peut-il être crédule à ce point? Mais voyons, c'est absurde! Si la salle s'était vidée pendant que je faisais mon cours, je l'aurais vu, je me serais arrêté. Or, je ne me suis jamais arrêté. Au contraire, j'ai parlé d'une seule traite et sans baisser la voix. À aucun moment, je n'ai baissé la voix. Certes, il est arrivé que des étudiants partent avant la fin. C'est parce qu'ils avaient un train à prendre pour rentrer chez eux. Ils étaient venus d'une autre ville spécialement pour m'entendre et il n'y avait que ce train-là. On ne peut rien leur reprocher à ces étudiants, absolument rien. Quant aux murmures qui, une fois, se sont élevés du fond de la salle, je sais qui les a provoqués. Des étudiantes ont fait taire plusieurs jeunes gens assis derrière elles qui s'écriaient « Quelle clarté, quelle puissance de raisonnement !» Je ne leur en veux pas. Elles prenaient consciencieusement des notes. Il est tout à fait normal qu'elles aient réclamé le silence. Tout cela n'aurait guère d'importance si l'intérêt même de vos cours ne pouvait être mis en question, ce qui n'est pas le cas. Vos derniers exposés m'ont paru très inégaux. Inégaux ? Facile à dire. Comme si on pouvait toujours aller au centre. Comme s'il n'y avait pas de questions que l'on fouille plus que d'autres. Parce qu'elles vous concernent personnellement, qu'elles vous touchent. Certains points m'ont intéressé. Mais j'aurais aimé les voir développés avec plus de précision. Et je dirais, plus d'honnêteté. Les idées que vous exprimez me rappellent un peu trop celles, déjà consacrées, du professeur Ménard. Non que je fasse la moindre réserve sur ces idées. Elles me semblent, au contraire, mériter la plus grande attention. Mais comment avez-vous pu négliger d'indiquer vos références et présenter ainsi, comme le résultat d'une recherche personnelle, le démarquage d'une œuvre que nous connaissons et admirons tous? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons eu les mêmes idées au même moment. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois. Je ne vous aurais peut-être pas fait part de mes impressions si on ne m'avait adressé de divers côtés des lettres me signalant ce qu'il faut bien appeler votre indélicatesse. Ils lui ont écrit, tous. Je savais qu'ils le feraient. Je les ai bien observés tandis que je parlais, ils glapissaient. Il a volé les lunettes du professeur Ménard. Il fait tout comme le professeur Ménard. Dommage qu'il soit plus petit que lui. Et je ne sais quelle baliverne. Si seulement ils avaient eu le courage de se lever et de me dire en face les choses qui chuchotaient lâchement, alors je me serais levé et j'aurais dit... Messieurs! Il résulte de tout cela que je ne puis vous inviter à notre prochaine session. Croyez, monsieur, que je regrette d'avoir eu à modifier l'opinion que je m'étais faite de vous. Pourquoi me dire ça, après tant d'années? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit plus tôt? Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit tous? Puisque ça se voit! Puisque ça saute aux yeux du premier coup! Jeanne contourne avec soin la carte et sort lentement. Le professeur Taran se tourne vers la carte et la regarde longuement. En se haussant sur la pointe des pieds, il parvient à l'accrocher au mur. La carte est une grande surface grise, uniforme, absolument vide. Le professeur Taran la regarde un long moment, puis, très lentement, commence à se déshabiller. Vous venez d'entendre le professeur Taran d'Arthur Adamoff avec Pierre Détaille dans le rôle du professeur.